À demain donc pour nos 2 heures de dialogue. Excellente journée tout le monde. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Un divorce. Le Standard se sépare de son entraîneur Yannick Ferreira. Divorce réglé et une nouvelle union déjà officialisée avec le coach de Malines Alexander Jankovic. Yannick Ferreira était arrivé à Sclessa en septembre 2015. Cette saison, le club n'a gagné qu'un match. 3 matchs nuls et une défaite s'ajoutent au résultat. Le football aujourd'hui, c'est aussi le match des Diables Rouges ce soir à Chypre. Cette fois, les choses sérieuses reprennent. C'est un match qui compte dans la qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Sauver tout ce qui peut l'être, le Parlement wallon se penche sur le sort de l'usine Caterpillar à Gosselies près de Charleroi. Discussion en commission. Le ministre président Paul Magnette a lancé les débats par un appel à l'Union européenne. Ce que nous subissons, dit-il, c'est un problème européen et l'Europe doit avoir d'urgence revoir sa politique industrielle. De l'histoire de notre région, on n'a jamais connu un tel mépris à l'égard des travailleurs. C'est scandaleux. C'est également emporté le ministre wallon de l'économie, Jean-Claude Marcourt. Débat autour de Caterpillar aussi ce matin au fédéral à la Chambre. Cette fois, ce sont les syndicats qui sont entendus. Absence totale de la direction de l'usine. Elle a décliné l'invitation par respect pour la procédure de licenciement collectif. Mais cette absence indigne fortement les parlementaires. 3000 poulets sur l'autoroute 19 ont traversé les Pays-Bas. Le camion les transportant s'est renversé sur la route. Seules 1000 bêtes ont survécu. Et cela entraîne forcément de longues files. Cette partie d'autoroute a dû être fermée. Retard aussi dans les aéroports ce matin de Londres. 9 militants d'un groupe contre les violences policières aux États-Unis. Ces 9 militants occupent la piste. La compagnie British Airways connaît aussi en même temps un problème informatique à Heathrow et à Gatwick. La baisse également du prix du diesel, moins 1,3 centimes d'euros. Diminution aussi du prix du gasoil de chauffage. La météo s'égrise sur l'ouest, 25 degrés dans le centre quand même aujourd'hui. De très belles journées qui s'annoncent, 23-27 degrés déjà demain. Et ce sera encore mieux jeudi. Il y a des travaux sur l'autoroute 40, Jean-Marc Strel. Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à hauteur de Cherat, avec des ralentissements uniquement vers Aix-la-Chapelle, entre Millemort et Cherat, sur 4 km. Vous perdez un bon quart d'heure. Et puis d'autres travaux sur le 429 à Tournai. Le chantier est à hauteur de Quin. Ça coince vers Lille, entre Tournai et Quin. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec Sébastien Nolvo, on n'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bien. Fort bien. Ça me fait plaisir. Vous savez que c'est déjà les foires au vin partout. Ça commence cette histoire. Mais c'est cette saison, hein, septembre, foires au vin. Est-ce qu'on va faire de bonnes affaires? C'est dans la presse du jour. Ah bah. On lira ça dans un instant. Coussi coussa. On va aider Emmanuel aussi qui a réservé 3 allers-retours pour Palerme. Mais son mari est tombé gravement malade. Elle a voulu se faire rembourser. Et là, ça coince, Annie. Ah ben oui, ça coince parce qu'elle est passée par le site Opodo, qui est en fait un intermédiaire. Donc elle est coincée entre son assureur annulation, Opodo et la compagnie aérienne. Et elle n'en sort plus. Donc elle espère qu'on va pouvoir un petit peu l'aider. On croise les doigts, Jacques. On va revenir avec vous sur un dossier dont on a déjà parlé fin de la saison dernière en juin. Tout un quartier privé d'eau courante dans le Brabant wallon. Oui, vous vous souvenez quand on ouvrait les robinets, il y avait pas grand chose qui coulait, des gros problèmes. C'était pas privé d'eau, mais il y avait vraiment un filet, ou alors pas du tout, donc il y avait des gros problèmes de pression d'eau. Alors la SWDE, la Société Wallonne des Eaux, avait promis une solution provisoire au mois de juin et le début d'un gros chantier au mois d'août. On verra ce qu'il en est. On vous parlera aussi de la tricopigmentation. C'est une solution pour tous ceux qui perdent leurs cheveux. On en parlera avec Christine, notre journaliste, qui s'est un petit peu renseignée là-dessus. Et justement, c'est la question du jour sur Facebook. Est-ce que vous avez des astuces pour lutter contre la perte des cheveux? Oui, bah dites-nous tout ça hein, sur notre page. On n'est pas des pigeons. Et alors, les casquettes et tout ça pour couvrir? Non, on veut des solutions. Ah, il y a déjà des choses assez drôles. Des solutions structurelles. Il y a déjà des choses assez drôles, oui. Bah oui, des solutions structurelles ou des trucs de grand-mère, hein, pourquoi pas, qui fonctionnent. Le bicarbonate de soude. Ou pas. Des petits massages réguliers. Oui, pourquoi pas. Bref, dites-nous, et dites-nous ce que vous pensez de manière générale. Parce que peut-être qu'on aura des surprises. Hein, et que les dames vont dire, ça ne nous gêne pas, on aime bien. D'accord. Hein. Ah. Voilà, dites-le sur notre page On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse pigeon@rtbf.be. Envoyez un SMS au 3063, ça vous coûte 50 centimes le message. On ira se promener au bord du lac aussi. Ah, on va faire plus que se promener, on va s'aimer avec Julien Doré sur les bords du lac. Côté musique, il y aura aussi Lost Frequencies. Ça, c'est le nouveau. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. C'est une façon de voir la vie. Un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano. El color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sur ma peau, gitano, el color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sur ma peau. C'est des guitares de nuit sans fin. Les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano. El color de mi cielo, gitano. Color gitano. Olé. Un mot, un geste, on n'est pas des pigeons, fait le reste. Votre courrier est arrivé. Hier, on vous parlait... Ah, j'ai encore un problème pour dire ça, Jacques. Oniomanie. Manie. Soit le trouble de l'achat compulsif. Et ça vous a fait réagir, évidemment, ça. Oui, Joël nous dit donc la bonne nouvelle est qu'il s'agit d'une maladie. On se fait rembourser les achats par la mutuelle. Ah oui, c'est long. Alors, plus sérieusement, Rémi nous explique. J'ai été entraîné là-dedans. Une spirale infernale qui m'a fait tomber bien bas et tant qu'on refuse de l'admettre, c'est très difficile difficile d'en sortir. Le travail sera encore long et toute ma vie, je devrais faire attention à ce que je fais. Ah, carrément. Ce à quoi Gulten répond, l'hypnose fonctionne bien, paraît-il. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes qui souffrent aussi de ces achats compulsifs, mais de manière vraiment maladive, pourquoi pas essayer l'hypnose. On a reçu aussi beaucoup de réactions par rapport au t-shirt. On n'est pas des pigeons. Oui, donc, alors, on vous proposait de vous envoyer, de nous et envoyer. Ça, attends, parce que ça, c'était en juin. Oui, mais il faut replacer parce que tout le monde n'a pas suivi. Dans son contexte. En juin. Au mois de juin, on vous propose de nous envoyer une candidature en disant, voilà, nous, on part à tel endroit en vacances, on voudrait bien un t-shirt. Alors là, on vous a répondu en disant, soit oui, on vous l'envoie, soit non, désolé, on n'en a pas assez. Et on avait prévenu en disant, on en a 100 à distribuer, pas plus. Et le but, c'est qu'on fasse le tour du monde. On choisit des destinations aussi. C'est ça, pour qu'ils voyagent un petit peu partout. Alors, on a eu d'abord un premier souci avec la poste. Une dizaine de t-shirts se sont perdus et on vous a expliqué hier pourquoi, comment ça s'est passé. Bref, on ne revient plus là-dessus. Mais on a toujours des personnes qui se plaignent en disant « Mais nous, on a commandé le t-shirt et on n'a rien reçu. » Alors, ce n'était pas une commande. Donc, normalement, vous auriez dû recevoir dans votre boîte mail un mail qui vous disait « Désolé, vous n'avez pas été sélectionné. » Est-ce que ça s'est mis dans votre boîte spam? Oui. Est-ce que ça s'est perdu dans les méandres informatiques? Bref, nous, on a en tout cas envoyé la réponse pour dire soit vous l'avez reçu, soit vous ne l'avez pas reçu. Et ça donc ne sert à rien maintenant de redemander un t-shirt. Et alors, c'est ça que j'allais dire. Inutile de continuer à passer commande parce qu'on n'est pas la redoute en donnant votre taille parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Disant, moi, je voudrais un XXL. C'est plus possible. Des t-shirts, on n'en a plus. On en avait 100, on les a distribués. C'était pour l'été. Voilà. Là, l'été termine gentiment. Donc, on fera peut-être ça l'été prochain. Mais ça fait beaucoup parler effectivement. Voilà, donc il faut le dire. On termine avec la photo du jour envoyée par Bernard. Oui, donc Bernard nous montre deux biscuits et en légende, nouveau petit beurre et ancien petit beurre, cherchez l'erreur. Et de fait, c'est pas seulement pour la rime, mais de fait, on voit deux petits beurres, un plus grand que l'autre, mais nettement plus grand. Et on imagine que ça, c'est l'ancien. Et que le nouveau est plus petit. Non, il faut voir, on n'a pas les prix, etc. Vous aimiez bien les petits beurres, vous? Oui, il y en a peut-être plus dans la. Mais oui, c'est ça, il faut voir au poids, le prix a peut-être changé. Il ne faut pas tout de suite accuser. Toujours commencer par les coins, les petits beurres. Toujours. Oui, systématiquement. Oh, mais c'est important. Du beurre sur les petits beurres. Et c'est comme les Deli Choc, hein, tu manges le chocolat qui déborde autour et puis tu t'attaques au biscuit après. On a tous notre toc, hein, comme ça, quand on mange. Et 10 minutes autour d'un biscuit. Ah ouais, non, mais ça, oh là là, débat qu'on pourrait avoir toute l'émission, mais on ne va pas faire ça. Si vous avez des choses à nous dire, vous l'avez compris, c'est sur la page Facebook. On rappelle Aurore pour les distraits et ceux qui n'ont pas de mémoire. Oui, on peut aussi le faire par mail, hein, pigeon@rtbf.be, par SMS 3063, ça coûte 50 centimes, et notre répondeur 070 222 660. Dans vos oreilles, c'est Julien Doré qui arrive, et puis nous téléphonerons à Emmanuel qui a un petit souci avec des billets d'avion. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaire exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est voisin ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible dans votre boutique Vous. Et il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. La Netherlands Academy est la seule école à n'enseigner que le néerlandais. Qu'est-ce que cela apporte de plus? Bart, professeur. Je moet weten, we geven les op de Nederlandse Academie. Vous savez, on se trouve à la Netherlands Academy. Kent onze school en tout le monde connaît notre école. Et les attentes sont énormes. Studenten niet teleurstellen. On ne veut pas décevoir nos étudiants. En daarom geven we elk uur van et donc, de dag on se donne à fond à tout moment de la journée. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Cours du jour, du soir et du samedi. Info sur nedaka.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be. Avec Cap 48 et Vivre Ici. se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent. Et là, font prendre racine. J'ai trompé la mort. La pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent. En programme, ça s'aimait sur les bords du lac. C'était Julien Doré. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. On va pas aller au ski, on va aller en Italie. Direction Palerme avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous aviez réservé un aller-retour Bruxelles-Palerme au printemps pour un séjour là, hein, maintenant, hein, qui devait aller du 3 au 10 décembre avec votre mari et votre fille. En juillet, désenchantement, on apprend que votre mari est atteint d'un cancer et doit commencer le traitement en urgence. Vous annulez donc les billets et c'est là que la galère commence. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe qu'on veut annuler. On avait pris une assurance annulation, repassistance avec les billets. Mmh. Et on fait les procédures comme c'est indiqué sur le site. Et puis on reçoit un mail de Jetair qui nous dit qu'ils ne peuvent pas annuler notre vol parce qu'on est passé par Opodo. Qui est un site et que de réservation. Opodo qui ouais. doit gérer ça. D'accord. Et vous avez contacté le site Opodo ? Oui, on a pris contact avec Opodo et Opodo nous dit « Ah mais non, c'est un vol Jetair, nous on ne peut pas annuler un vol Jetair. Donc vous devez retéléphoner à Jetair. » Voilà, tout le monde se renvoie la balle. Oui, on a fait ça pendant un mois. Et là, toujours presque tous les jours. Et là, toujours pas de nouvelles, c'est bloqué. Rien. Bon, Annie, c'est un truc un peu compliqué cette histoire. C'est qu'on reçoit de Jetair des ouais. mails qui nous disent, avant le départ, qui nous disaient plus que deux jours ou ouais. voilà, vous pouvez faire votre check-in, vous pouvez faire réserver vos ouais. places où vous voulez. Mais bah, la réservation. Maintenant, on n'arrive pas. Oui. On n'a pas notre preuve de non-embarquement. Ok. Dossier qui m'a l'air bien oui, compliqué. Oui, c'est compliqué et c'est pour ça qu'on l'évoque, parce que Emmanuel est vraiment coincé entre pas mal d'interlocuteurs. Alors, la réservation se fait sur le site Opodo, qui est un site intermédiaire, mais la compagnie aérienne, c'est Jeter Flycom. On a compris, oui. La compagnie d'assurance, annulation, donc tout ça c'est en ordre, c'est Europe Assistance. Et quand il y a un souci, alors le séjour, c'est pas au mois de décembre, c'est au mois de septembre, hein, 3 au 10 septembre. J'ai dit quoi ? J'ai dit décembre. Voilà. Okay, donc voilà, c'est pour ça qu'on lui demande maintenant la preuve de non-embarquement. Alors, bon, on annule pour des raisons de santé qui sont évidentes. Le dossier médical est super complet, donc logiquement, il n'y a pas de souci. Il y a quand même 1200 euros qui sont en jeu, puisqu'il y avait Emmanuel, son mari et leur petite fille de 3 ans. Et donc, dans les mails qu'elle m'a envoyés, effectivement, elle va frapper à toutes les portes. Ouais. Et on lui dit, ah non, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Alors, quand vous allez sur le site d'Opodo, dans les conditions générales, il est clairement indiqué qu'Opodo, c'est un service de voyage en ligne, sert d'intermédiaire et il procède à la réservation pour le compte du consommateur. Mmh. Et donc, pas moi qui le dis, mais c'est inscrit sur le site, le contrat est conclu directement entre le consommateur et la compagnie. Et donc, c'est un peu bizarre de s'entendre dire de la part de Jeter Flycom, ben non, il faut aller sur Opodo, et oui. Opodo dit, ben non, c'est pas avec moi, moi je ne suis que l'intermédiaire. Ouais, ouais. Donc on a bien compris que c'était assez compliqué. Alors j'ai envoyé des mails à tous les interlocuteurs, ouais. À ce jour, oui, on va regarder, par exemple Opodo, ah non, il ne faut pas nous envoyer de mail, il faut aller sur le site, enfin bref, c'est compliqué, et je comprends qu'Emmanuel commence à s'arracher les cheveux, parce que, voilà, c'est difficile de trouver quelqu'un. Alors Emmanuel, j'ai trouvé un interlocuteur qui peut peut-être vous aider. On va l'appeler. On donne un petit coup de fil à Florence Bruyère, qui est la porte-parole de Jeter. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Dossier compliqué. Vous ne connaissez pas tout le dossier concrètement, mais c'est un dossier qui est assez difficile, on a l'impression. Oui, et je vous avoue que notre première réaction, c'est tout d'abord d'apporter une réponse à votre auditrice, d'autant plus avec le contexte qu'on connaît. Donc, je peux imaginer que c'est très difficile de devoir faire des démarches supplémentaires quand votre mari est malade et qu'il faut le soutenir déjà au quotidien. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que vous nous envoyez l'ensemble du dossier de réservation de votre auditrice pour que nous puissions lui apporter une réponse concrète en direct et pour que l'annulation puisse se concrétiser. Mmh. Et je crois que c'est déjà la moindre des choses qu'on puisse faire à l'heure actuelle. C'est notre première réaction. Ok. Mais alors maintenant, pour de manière plus concrète, ici, dans le cas évoqué, Opodo se dit intermédiaire, mais il donne comme réponse à Emmanuel que finalement, c'est Jeter, ça se passe quelque part en direct, c'est ça Annie, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. En fait, Opodo dit, ben voilà, moi je ne suis qu'intermédiaire, et finalement, le contrat, c'est entre le consommateur, donc Emmanuel, et la compagnie aérienne. Et donc forcément, s'il y a un intermédiaire en plus, ça coince un petit peu pour le consommateur. Ça arrive souvent, ça, Florence? Mais écoutez, il faudrait que je me renseigne auprès de mes collègues du service clientèle. Je ne peux pas vous avancer plus d'informations par rapport à ça. Il faut que j'aie juste le temps de me plonger sur ce dossier. Et c'est pour ça, notre première réaction, nous, en tant que compagnie aérienne, mais c'est d'apporter au moins une réponse pour ce dossier. Et donc, le mieux, c'est de nous envoyer l'ensemble du dossier de réservation pour qu'on puisse concrétiser l'annulation et faire le suivi auprès de votre auditrice. Mais ça en passe d'être réglé. C'est déjà la première chose. Si je vous suis bien, faire. Il y a une possibilité d'annulation et de remboursement. Ah, je suppose, mais ça, je dois encore vérifier. Voilà. Je vous avoue mais que le principal j'ai ici, peu de temps d'analyser les choses, mais en tout cas, oui, parce que on a je mis vais du temps. Un contact pour votre auditrice pour lui apporter une réponse concrète et qu'on fasse les choses rapidement. Le principal ici, Emmanuel, et c'est ça qui coinçait, c'est qu'on a trouvé la personne de référence ici, en l'occurrence. C'est trouver la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est toujours on mais est encore dans les délais. J'ai l'impression que c'est possible avec Florence qui va recevoir Dani, qui va recevoir le. Je vous le garantis. D'accord. Donc Emmanuel, vous avez bien compris. Envoyez envoyez-moi un maximum d'informations, je transfère le tout, je servirai d'intermédiaire de boîte aux lettres, je transmettrai le tout à Florence Brouillère. Alors, je rappelle que vous avez payé votre réservation via votre carte de crédit, alors heureusement pour vous, vous savez que vous avez la possibilité de contester la transaction que vous avez effectuée, même si elle n'est pas frauduleuse, puisqu'on ne vous a pas volé votre carte, et pour ça, et ça intéresse tout le monde, il suffit d'aller sur le site, enfin il faut aller sur le site www.macarte.be. Il faut évidemment prouver qu'on a effectué des démarches pour essayer de trouver une solution, et si ça ne va pas, il faut contacter le site dans un délai de 4 mois après la transaction qui a été effectuée. Donc ça, c'est bon à savoir pour tout le monde. Donc mais là, ici, on espère qu'on ne passera pas par là. Il y a priori, on ne devrait pas passer par là. Le dossier sera envoyé chez Jeter, et en espérant qu'il trouve une solution favorable à votre problème. Emmanuel, vous nous tenez au courant, évidemment. On fait comme ça? Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Si jamais vous qui nous écoutez avez des petits soucis aussi de communication, parce que ça arrive quand il y a des sites internet et qu'on trouve pas un interlocuteur, c'est pas simple, vous pouvez toujours nous aider, si ce soit un service après-vente, un entrepreneur quelconque, peu importe, les problèmes, on peut tenter de les résoudre. Oui, vous nous envoyez un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur, c'est 070 222 660. Vous laissez bien un numéro de téléphone et vous expliquez aussi en 2-3 mots de quoi il s'agit. Après Camélia Jordana, c'est le journal de la conso. On parlera de foire au vin, on vous dira si c'est un bon plan ou pas. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis ça sentait le bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 €. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Je jure, t'as du mal, y'a pas de mal à ça. Venez, manger, tout à l'écoute, Barbara. J'espère qu'il reviendra. Non, je ne veux pas faire un tour. À quoi ça sert de faire un tour? Qui commence à me plaire, je ne veux pas quitter mon salon. Non, non. Aller mieux. question. Non, non, non, non, je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non, je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non, je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non, je ne veux pas m'en passer. Je juste aller mal, y'a pas de mal à ça. Peiner, manger que dalle, écoute Barbara, peut-être tu reviendras. Camélia Jordana, non, non, non, c'est le titre. On part sur les routes. Jean-Marc, oui, oui. Comment ça se passe? Nous avons quelques travaux sur le 40, Excel de Chapelle-Bruxelles, comme chaque jour, en hauteur de Cherat, avec quelques ralentissements. Puis il n'y a pas beaucoup d'infos en fait, ce matin, c'est une bonne chose. Donc quelques ralentissements uniquement vers Excel de Chapelle, entre Rothem et Cherat, sur 4 km, vous perdez 15 minutes. Et puis attention à ce camion en panne sur la N4 Namur-Arlon, en hauteur de Champlon. La bande droite est neutralisée en direction d'Arlon. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h30, place au journal de la Conso. On ouvre la DH pour commencer, qui donne quelques conseils pour bien profiter des foires au vin dans les grandes surfaces. Ça commence. Oui, ben oui, comme chaque année, à pareille époque, hein, les grandes surfaces vous proposent les affaires du moment en matière de vin. Alors, chez Carrefour, cette foire démarre le 7 septembre. Et demain, avec, c'est demain. Ouais, 600 vins proposés. Et oui, c'est déjà demain. Ah oui. Mais oui, 600 vins proposés. Il y aura des grands classiques français, mais les clients apprécient de plus en plus des vins venus d'Italie et d'Espagne. En moyenne, selon les responsables vins de Carrefour, un client débourse 5,20 euros pour une bouteille, on va dire une bouteille de tous les jours, mais peut monter jusque 7 à 10 euros pour un vin pour plus mature. Voilà, c'est ça. Chez Deleuze, alors là, ça commencera après-demain, donc le 8, avec 130 vins à découvrir en magasin et 50 vins d'exception, disponibles à moins 20 et moins 30% via leur site internet deleuzewineworld.com. Donc ça, c'est aussi la particularité de Deleuze, c'est que vous pouvez avoir des vins uniquement sur leur site. Et là aussi, on constate un désintérêt pour les vins français. Les vins mousseux espagnols, par exemple, se vendent mieux que les Italiens ou que les Français. Vous êtes très vin autour de la table ? Assez, oui. Ouais, quel vin en particulier, non ? Moi, j'aime bien les vins de Loire. Les vins de Loire, voilà. D'accord, c'est pas mal. Annie ? Des bulles. Vous irez au foire au vin ? Vous irez au foire au vin ? Bof, non, pas spécialement, non. Mais quoi ? Bof, aller au foire au vin, on ferait. Elle préfère se les faire offrir, voilà. Elle n'en a rien à kicker, c'est grave. Dans les journaux de groupe Sud Presse, on apprend que voyager en train coûte cher en Belgique. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude sur l'indice-prix des transports réalisée par un comparateur de transports en ligne. Alors la comparaison, elle portait sur les trajets intérieurs avec leur coût ramené à une distance de 100 km. La Belgique se situe en 4e position sur 36 pays, avec un prix moyen de 20,50 euros pour 100 km. C'est cher. C'est cher. Mais ça pourrait l'être plus encore si on vivait en Suisse. Devinez combien ils payent les Suisses. Donc nous, on est à 20,50 et on est en 4e position. Je sais, les Suisses, 4e, non, aucune. Première position, hein. Donc les plus chers. Le double. Oui, le double. 47,44 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis après, là, il y a. Pour 100 km. 100 km. Et okay. Puis juste après, il y a les Royaumes-Unis, où là, on descend quand même. 23,44 euros. Pays-Bas, 21,86. Puis nous. Et ensuite, la France, où là, on redescend encore 17,59 euros pour 100 km. Ok. Alors voilà. Si j'ai très peu de moyens, je vais où pour prendre le train? Alors très peu de moyens, vous allez en Ukraine. Là-bas, pour 100 km, devinez un petit peu combien on paye? Je ne sais pas. 1,56 €. Oui, mais t'es peut-être pas sûr d'arriver à la fin des. Et en Suisse, les trains sont à l'heure. C'est cher, mais ils sont à l'heure. Ah, on peut pas tout avoir. La ponctualité suisse, c'est cool. Ça a un prix. Voilà, ça a un prix. C'est vrai, en fait. Tu payes pas le temps parcouru, tu payes le temps que tu passes dans le train. Voilà. Non, le temps que tu passes dans le train, et finalement, 20,50 €, ma foi, pour 5 heures de voyage et 100 km. C'est pas cher, finalement. C'est comme en Ukraine. C'est relativement raisonnable. Oui, c'est ça. On termine avec Émilie le serpent qui s'invite dans les écoles. Oui, c'est Émile, hein, le serpent, que les parents se rassurent. Il y avait Émilie, trop de barres sur la face. Émilie, c'est sa sœur, c'est tout. Ah, c'est ça. Donc ici, on va vous parler du garçon. Hein. Alors que les parents se rassurent, c'est pas du tout une nouvelle méthode pédagogique qui laisse les enfants livrés à eux-mêmes face à un reptile. Non, non. C'est Émile le serpent mobile. En même temps, mobile. Ça pourrait être drôle. Oui, mais je crois qu'il y a des parents qui ne seraient pas contents. Non, d'accord. Non, ici, c'est un jeu utilisé dans les écoles dans le cadre de la semaine de la mobilité. Elle aura lieu donc du 19 au 30 octobre. Et les enseignants et les enfants vont d'abord faire un état des lieux des déplacements et ensuite, dès qu'un enfant abandonnera la voiture au profit d'un trajet à vélo, à pied ou en covoiturage, ouais. Eh bien, il y aura une petite gommette qui va être mise sur le serpent. Le serpent va être installé à l'entrée des écoles, donc ce sera une grande bannière avec un serpent vide, si vous voulez, et les gommettes vont venir le remplir. D'accord. Comme ça, les parents et les enfants vont pouvoir se rendre compte des gestes qui ont été faits en faveur de la mobilité. Et en plus, ça ne se passera pas qu'en Belgique, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça a été inventé par une association de Louvain, mais ce jeu sera utilisé dans une vingtaine de pays pour justement discuter de la mobilité dans ces 20 pays. C'est chouette, hein, ça ? C'est bien de jouer pendant une semaine, mais après, il faut... C'est pendant deux semaines. Il faut continuer à garder... Mais c'est ça qu'ils espèrent, c'est que ça va instaurer des nouveaux comportements dans la vie. C'est enfants, dans le journal de la conso, c'est dans la presse du jour. Il y a Lost Frequency qui arrive après la pause et puis nous prendrons la direction du Brabant Wallon. On s'arrête. Quelle rue ? Rue de Fontenay, les rues du Sarteau, un quartier où les habitants ont des problèmes d'eau depuis... On est à Dion-Valmont. À Dion-Valmont. Voilà. Il y a un problème d'eau. Est-il résolu ? Parce que ça fait quand même... Oula ! Voilà, on aura la réponse. 6 mois que ça dure. J'espère. Hein. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. Woo! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, un MacBook Air pour 999€ seulement, avec une carte cadeau de 50€. Dès demain, dans tous nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux ? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400€, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Anywhere you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. We'll be right back. Beautiful Life, c'est le nouveau Lost Frequencies. On n'est pas des pigeons. On va revenir sur un dossier à présent dont on a parlé au mois de juin, Jacques, hein, avant les vacances. Il y avait de sérieux problèmes d'alimentation en eau courante dans un tout petit quartier, dans un bout de quartier du Brabant Wallon. Oui, on en avait parlé ici même au mois de juin et puis on avait aussi réalisé un reportage télé. On avait donc pu constater effectivement que quand on ouvrait les robinets, eh bien, il y avait quasiment rien qui sortait. La pression d'eau était quasi nulle et à ce moment-là, au mois de juin, ces problèmes de pression d'eau duraient déjà depuis décembre 2015, donc ça faisait 6 mois, chez plusieurs habitants de ce quartier de Chaumont-Gistoux. Alors avant les vacances, la Société Wallonne des Eaux avait répondu sur nos ondes à ses habitants privés d'eau courante. Hein. Oui, pour résumer, du côté de la SWDE, on avait expliqué que les procédures avaient pris du temps, qu'il avait fallu identifier la cause du problème et qu'il fallait envisager un important chantier de remplacement de la conduite de distribution dans la rue et que marché public et appel d'offres obligent. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais que ces grands travaux allaient commencer au mois d'août et qu'une solution provisoire allait être trouvée dès le mois de juin. On va vérifier ça tout de suite avec Bernard. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des riverains concernés par ce problème d'eau. Solution provisoire, elle est là, elle est en place? Depuis votre intervention au mois de juin, oui, ils sont venus comme par hasard assez rapidement faire ça. Donc ils ont mis toute une conduite à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il y a des tuyaux qui sortent, qui sont à même la rue alors? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ils ont fait trouver une solution, je crois, par l'autre rue. Donc maintenant, on a en fait de l'eau avec tout un tuyau qui passe par l'extérieur. Donc ça, jusque-là, ça va. C'est pas des plus fonctionnels. Donc la pression est revenue, là? La pression est revenue plus ou moins. Il y a encore des jours, il y a un peu moins. Mais bon, disons... Oui, mais on peut faire tourner une machine à laver. Elle ne se met pas, en sécurité, quoi. On peut prendre une douche. D'accord, voilà, donc, tout ça, c'est déjà ça. C'est dans l'ordre de ce côté-là. On a reçu quelques courriers aussi de leur part, disons qu'ils allaient commencer tous les travaux début août. Et ben justement, rien ne fait quoi. Ah, donc là aujourd'hui, 6 septembre, il n'y a toujours pas de travaux? Non, rien, ils sont venus déposer toutes les conduites au bout de la rue depuis un mois. Et puis ils avaient envoyé un courrier, si je ne me trompe pas, au mois de fin juin, début juillet, comme quoi ils allaient commencer début août. Et puis, au bout du compte, encore rien qui n'est fait, quoi, et on voit personne. Parce que le dernier courrier disait qu'ils allaient commencer les travaux le vendredi 3 septembre. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On a Benoît Boulin, qui est le porte-parole de la Société Wallonne des Eaux. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, début des travaux et remplacement de la conduite annoncée pour le 8 août, et là, toujours rien, comment ça se fait? Je confirme bien que nous avons envoyé un courrier disant que nous avions donné instruction à l'entrepreneur qui avait été désigné pour démarrer les travaux le 8 août. Et depuis lors, nous attendons l'autorisation de police de la commune pour pouvoir entamer le chantier. Il se fait que la commune a décidé de profiter de l'opportunité de ce chantier que nous devions faire pour elle-même faire un chantier d'installation d'égouttage. Et la commune ne souhaite pas, pour le moment, nous autoriser à entamer les travaux tant qu'elle n'a pas achevé le processus de décision pour ce chantier d'égouttage. Cependant, du côté de la commune, on dit que c'est vous qui n'avez pas demandé l'autorisation des travaux à temps, c'est-à-dire pour les commencer au mois d'août. Ils n'ont pas reçu de demande d'autorisation des travaux, apparemment, du côté de la commune. Mais si, ils les ont reçus et ils nous les ont refusés. Parce que invoquant ce chantier d'égouttage, donc si c'est parce que nous n'avons pas rendu ou fait la demande à temps, je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué depuis le 8 août. Bon, là, demande d'autorisation va être délivrée demain. Demain, il y a un conseil, il y a un collège. Non, alors, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que l'on sait, c'est que du côté de la commune, on a entamé une procédure pour un chantier d'égouttage et que cette procédure, elle a démarré le 17 août, qu'il y a eu des appels d'offres et tout cela, qu'il y a eu des négociations sur les prix et que donc c'est en principe demain au conseil communal que ce dossier de chantier d'égouttage sera enfin clôturé. Et ce n'est qu'alors que nous aurons l'autorisation d'entamer les travaux. Donc c'est une bonne nouvelle. Si c'est décidé demain, lundi, les travaux peuvent commencer, par exemple? Je vous dis, nous sommes prêts à travailler depuis le 8 août. Monsieur vous a confirmé que nous avions déjà commencé à stocker et installer du matériel. Donc nous, depuis le 8 août, nous sommes prêts à « nous sommes prêts à travailler ». Je rappelle quand même aussi que dans tous les courriers que nous avons envoyés aux riverains, donc effectivement un courrier au mois de juin pour expliquer la solution provisoire que nous allions mettre en place, et puis un courrier ultérieur pour expliquer que nous y allions entamer les travaux le 8 août, à chaque fois, les autorités communales ont été en copie de ces courriers. D'accord, d'accord. Et justement, à donc, propos de cette... Je pense que la commune n'ignorait pas, si vous voulez, l'urgence d'entamer ces travaux, étant donné le temps qu'ont duré les problèmes qu'ont rencontrés ces riverains avec l'eau de distribution. À propos de la solution provisoire, pour l'instant, l'eau arrive sans passer par les compteurs chez les gens, donc leur consommation n'est pas comptabilisée. Ça va se passer comment, ça, pour les factures par la suite, par exemple ? Mais la consommation, pour le moment, n'est pas comptabilisée, puisqu'effectivement, il n'y a pas transit par le compteur d'entrée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les riverains, c'est cadeau ? C'est plutôt une bonne nouvelle pour les riverains. C'était, si vous voulez, une nécessité, si on voulait installer cette solution provisoire assez rapidement, sans faire des travaux de creusement pour rejoindre les raccords. Ce qui est bien, c'est qu'on compris qu'au niveau communal, ça risque de se débloquer demain. Vous êtes prêts avec vos machines, on va dire. Ça va pouvoir enfin commencer. C'est les informations que j'en ai. Bah écoutez. Hein. Voilà, simplement, à partir du moment où on fait une demande à la commune, si la commune dit « mais on n'a pas rentré la demande dans les temps », je veux dire, les contacts avec la commune ont eu lieu avant le 8 août, et déjà à ce moment-là, on nous a dit que de toute façon, il y a une décision qui devait être prise le 17 août concernant des travaux d'égouttage. Cette décision fait l'objet manifestement d'une seconde délibération le 7 septembre, c'est-à-dire demain. Donc, si vous voulez, si ce n'est pas lié, l'autorisation de la commune n'est pas liée à cette décision en matière de chantier d'égouttage, je ne comprends pas qu'il ait fallu autant de temps pour nous donner cette autorisation. La commune est bien consciente du degré d'urgence des travaux. Ok, bah écoutez, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Bernard, évidemment, vous nous tenez au courant, hein, dès que vous voyez des grues qui se mettent en route de devant chez vous. Et nous, on se fera un plaisir de retourner sur place et de suivre le dossier, comme on fait depuis quelques mois déjà. Dossier dont on reparlera, et vous verrez si ça vous intéresse, voir à quoi ça ressemble. C'est travaux provisoires, ce soir à la télé, à partir de 18h30. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW Série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio, où, quand et comme vous le voulez, sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6400 euros, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Viva, Vivacité avec le titre I Can Wait. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Jacques, penchez-vous un petit peu en avant. Non, ça va. Alexis qui reste cette émission. Oh, bah là, non, ça c'est trop tard. On va s'intéresser à la tricopigmentation. Christine, ça concerne les hommes essentiellement, on peut dire, la tricopigmentation. Christine, es-tu là? Christine est-elle là? Pour une fois que le tricot concerne les hommes. Ben ouais, non mais attends, alors la tricopigmentation... Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, à ton avis... Tricopigmentation. Non, c'est pour ça que je regardais tes cheveux. C'est pour, c'est des solutions pour tous ceux qui perdent leurs cheveux. La tricopigmentation. Est-ce qu'on a Christine qui est en duplex de notre studio à Namur? Christine 1, Christine 2, Christine 3, il n'y a pas de Christine. Voilà. Donc en fait, c'est des produits pour faire pousser, c'est ça? Ou alors, c'est ça veut dire que tu tricotes et ça fait pousser des cheveux. Tu te tricotes des cheveux. Tu peux choisir ce que tu veux finalement. Mais on vous pose la question sur la page Facebook. Est-ce que vous avez des solutions pour éviter que les cheveux ne tombent, par exemple? Ah bah justement, vous en avez donné quelques-unes déjà sur notre page On n'est pas des pigeons. Alors il y a Didi déjà qui nous a mis le lien vers un article sur les bienfaits du romarin. Donc ouais. Ça, c'est pas mal. Et puis on a aussi Marianne qui nous parle de l'huile d'ail qui est connue en Orient pour la perte et repousse des cheveux. Ici, c'est peu connu, certainement à cause de l'odeur. Alors ça, ce sont des trucs et astuces, mais la tricopigmentation, Christine, on l'a retrouvée, c'est quoi exactement? Eh bien, en fait, vous m'entendez là maintenant. Oui, vous parlez enfin de la tricopigmentation. Ben, c'est pas une nouvelle lotion magique, c'est pas des implants capillaires, c'est pas non plus une séance de léchage de langue de vache, parce que figurez-vous que certains. C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est pas une blague. Hein. Certains sont convaincus que se faire lécher le crâne par une langue de vache fait repousser les cheveux. Mais t'es pas bien, toi. Eh bien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je vais effectivement vous parler de la tricopigmentation. Ouais. Et il s'agit pas, non, de se faire tricoter des cheveux sur la pourtant, tête. C'est ça que ça inspire. Hein, exactement. Comme... Mais en fait, il s'agit plutôt, en quelque sorte, de se faire dessiner des cheveux sur le crâne. Ah. On peut comparer ça, en fait, à un tatouage, hein, un tatouage semi-permanent. En clair, en fait, on va introduire dans le derme, sur les zones du crâne qui sont dégarnies, des micro-pigments. Donc, en fait, on remplit les zones avec des petits points de couleur. Et en fait, cela va créer une véritable illusion d'optique. Il ne s'agit donc pas d'implanter de nouveaux cheveux, de vrais cheveux, mais de créer une illusion d'optique. Bah c'est du faux, quoi. C'est un peu comme c'est du trompe-l'œil. C'est du trompe-l'œil, exactement. C'est comme un tatouage, mais bon, je dois vous dire qu'effectivement, nous, on est allé voir comment ça se passait. Donc, j'ai assisté dans un institut namurois à une séance de tricopigmentation sur un jeune homme de 25 ans qui commençait à avoir, vous savez, cette espèce de couronne sur la tête. Oui. Alors, on l'a retrouvé 2 mois plus tard. Il avait entre-temps subi 2 autres séances. Eh bien, je peux vous dire que l'effet, il est réellement bluffant. Alors, bon, on est allé voir un petit peu plus loin. J'ai aussi rencontré une dame un peu plus âgée qui est elle avait perdu presque tous ses cheveux après une chimiothérapie. Eh bien, là aussi, l'effet est bluffant. D'ailleurs, son entourage n'y a vu que du feu. Tout le monde a cru que ses cheveux avaient fini par repousser. Mais est-ce que ça marche pour les personnes qui sont complètement chauves pour donner l'illusion qu'elles ont des cheveux? Ou alors c'est uniquement quand ça commence à un petit peu se clairsemer pour faire l'effet plus rempli? Je dirais que c'est du remplissage. Hein. Il faut que les cheveux, il faut qu'il reste quand même quelques cheveux encore sur le crâne, parce qu'on ne va pas dessiner tout un crâne chauve comme ça. Donc il faut quand même que ce soit du remplissage, ça c'est clair. Je regarde Alexis qui est aux commandes de cette émission. C'est trop tard pour toi. Bien que je viens de taper, en tapant images et tricopigmentation, on voit des personnes qui sont chauves et qui ont refait une espèce de mini-chevelure, mais alors on dirait qu'ils sont rasés très près. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle en tricopigmentation l'effet rasé. Alors l'effet rasé, ça veut dire que quand même ces personnes, elles sont pas tout à fait chauves, elles ont vraiment encore quelques cheveux. Le crâne est dégarni, mais il reste quelques cheveux qui sont rasés de très près. Et alors on vient combler avec des micro-points les zones qui sont dégarnies, et c'est ce qu'on appelle l'effet rasé. Mais pour les dames, par exemple, que j'ai rencontrées qui ont des cheveux un peu plus longs, là on peut faire l'effet densité. C'est comme ça qu'on appelle en tricopigmentation. Ouais. Donc on dessine des traits un peu plus longs qui viennent vraiment se confondre dans les cheveux qui restent. Et je vous assure vraiment que l'effet, il est vraiment bluffant. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que ça pourrait marcher aussi, par exemple, pour les hommes qui sont imberbes et le faire sur le visage ? En fait, pourquoi pas ? Parce qu'on sait que c'est inspiré, cette technique-là, des tatouages semi-permanents, un peu comme les tatouages sourcils. Ça, c'est une technique qui est connue déjà depuis pas mal de temps. Et ce sont des maquillages, en fait, semi-permanents. Alors, oui, donc ça tient combien de temps, alors ? Ça dépend un peu selon les cas. C'est vrai que l'inconvénient de la technique, c'est qu'elle n'est pas permanente, comme le nom l'indique. Ça veut dire qu'il faut faire des retouches une fois tous les ans, voire une fois tous les deux ans, selon les cas, ça dépend. Les personnes ne réagissent pas toutes de la même manière, en fait, à la tricopigmentation. Et t'as vu, je pose pas de questions parce que j'écrase un peu sur ce coup-là. Ça fait mal comme un tatouage. On voit les photos des crânes, effectivement, et il ressemble à votre barbe. Oui, ça va. Ça coûte cher. Le faire une fois tous les ans ou tous les deux ans, il faut quand même. Ouais, alors justement c'est là que le bas blesse un peu le hic, c'est que cette technique elle a un coût. Hein. On considère en général que cela revient à 1 200 € par zone à traiter sur le crâne. Il faut savoir qu'il peut y avoir jusqu'à 4 zones à traiter. Ouais. Wow. Et ça c'est l'expert qui va le déterminer, ce qui veut dire que la tricopigmentation, on va dire qu'elle peut coûter entre 3 000 et 5 000 €. Oui, c'est pas rien. Il faut y tenir à ses cheveux, il faut vraiment y tenir. Dites Christine, on revoit ça ce soir, on verra votre reportage ce soir à la télé à partir de 18h30 et d'ici là on a peut-être inspiré 2-3 personnes. Raphaël Scaigny, cette séquence était pour toi. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Suivre un cours du samedi à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus ? Anne, secrétariat. Imaginez pouvoir venir à votre cours du samedi matin et que les 6 autres jours de la semaine, vous pouvez gratuitement fréquenter notre club de conversation. Vous imaginez les progrès que vous pouvez réaliser ? Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Programme du samedi, 7 jours sur 7, sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexhours.com. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre 2 ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 € par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 €. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Un an au standard et puis s'en va. Le club se sépare de Yannick Ferreira et le remplace déjà par Alexander Jankovic qui quitte Malines. Le divorce était dans l'air. Choix tactique remis en cause. Bilan chiffré jugé insuffisant. Le standard est 11e avec 6 points sur 15. Et Bi Brozakis nous retrace le parcours d'un entraîneur jeune, parfois aussi trop ambitieux. Yannick Ferreira, c'est l'histoire d'un jeune entraîneur ambitieux aux dents longues qui reçoit sa chance très tôt. À 31 ans, il prend la tête du Sporting de Charleroi et participe au maintien du Sporting au sein de l'élite. Il ramène ensuite Saint-Trond en première division. Sa méthode, inspirée en grande partie de Diego Simeone et de Michel Preud'homme, deux de ses mentors, l'amène alors au Standard. Plusieurs fois, Yannick Ferreira passe à côté de l'éviction à Liège, mais chaque fois, il résiste. Une fois en remportant la coupe face à Bruges, une autre fois en allant chercher le nul à Bruges. 2-2, c'était dimanche dernier. Et les cadres de l'équipe avaient alors témoigné en sa faveur, Junior Edmilson et Adrien Trebel. Dès le début jusqu'à la fin, bon, on va être solidaires. Depuis qu'il est arrivé, on joue pour lui parce qu'il a beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête et tout ce qu'il met en place, tous les joueurs sont à l'écoute et ont envie de tirer dans le même sens. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, tous les joueurs sont derrière lui. Maintenant, si des personnes veulent le voir partir, en tout cas, c'est pas les joueurs. Il est clair que contre Bruges, le Standard, qui dans la foulée a battu Marseille en amical, a montré au minimum qu'il ne sabotait pas son entraîneur. Mais tout en haut, Yannick Ferreira n'avait pas le soutien du conseiller, du président Daniel Van Buyten et d'Olivier Renard, le directeur sportif. Aujourd'hui, il donne à Aleksandar Jankovic ce que Ferreira réclamait, des transferts de qualité et surtout un contexte favorable. Des explications recueillies, signées par Ebi et Brozakis. L'absence passe mal, pas de patron de l'usine Caterpillar ce matin à la Chambre en commission. Les députés entendent les syndicats. La direction, elle, a décliné l'invitation pour respecter, je cite, la procédure Renault, procédure de licenciement collectif. Mépris, inacceptable, les parlementaires sont indignés. Les présidents des commissions économie et affaires sociales vont donc envoyer une nouvelle invitation à la direction et au passage aussi demander une analyse juridique pour voir si ce refus est légal. Pour la FGTB, rien n'empêchait au patron de Caterpillar de venir aujourd'hui et cette absence, pas seulement à la Chambre, pose énormément de problèmes. Écoutez ce qu'en dit le représentant de la FGTB, Antonio Cocciolo. Pourquoi la direction n'est pas présente? Eh bien, depuis 48 heures, on se pose les mêmes questions et ça nous pose énormément de problèmes dans la suite, en tout cas de la négociation, parce que depuis 24 heures, on cherche un interlocuteur pour pouvoir commencer les discussions. Donc le travail de protection de l'outil, le travail de sécurité, le travail de protéger en tout cas l'outil de travail et tout ce qui est autour, aujourd'hui, c'est les travailleurs de l'entreprise qui sont en train de l'effectuer. C'est ce qui est scandaleux, c'est que c'est la responsabilité des employeurs. Vous êtes peut-être surpris, mais nous, nous les connaissons depuis 35 ans et on sait exactement ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont en panique. Voilà, déclaration ce matin en commission à la Chambre d'Antonio Cocciolo. Et le sort de Caterpillar au cœur de discussion aussi ce matin au Parlement wallon. Notre priorité, c'est de sauver tout ce qui peut l'être, mais nous ne sombrerons pas dans le fatalisme, a lancé Paul Magnette, le ministre-président, et il appelle aussi l'Europe à changer de cap. Une fillette de 4 ans s'est noyée hier après-midi à Messancy, en province de Luxembourg, dans la piscine familiale. La mère de l'enfant a entendu des cris, mais elle est arrivée trop tard. À la côte, 1400 enfants se sont perdus cet été, quelques minutes à peine ou plus. C'est un chiffre élevé, mais ce n'est pas un record. Le record remonte à l'été 2003. 2500 enfants s'étaient alors égarés sur des plages bondées. Une dernière info, la baisse du prix du diesel, moins 1,3 centimes d'euros dès demain et diminution aussi du prix du gasoil de chauffage. Jean-Marc Strel, toujours ses travaux sur l'autoroute 40. Oui, on les connaît, sans surprise. Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à hauteur de Chérat, tout ça ralentit uniquement vers Aix-la-Chapelle, entre Votem et Chérat. Plus ou moins 5 km et vous perdez maximum 20 minutes. Donc pas de mauvaise surprise. Le 40, Yabé-Calais est fluide. Je parle du poste frontière, des postes frontières qui posent problème chaque jour. Par contre, le 17, Ganlille, entre Réquem et Neuville-en-Ferrin, c'est en France. Il y a des ralentissements actuels pour rejoindre donc la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, vous retrouvez toute l'équipe et Sébastien Nolvo. Jusqu'à 13h, merci Delphine. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure, on vous parle d'un truc de fou, des lacets magnétiques. C'est quoi ça, des lacets magnétiques? Ça s'appelle Zubits, en fait. Ce sont des lacets qui ont été créés par un couple, justement, qui ont observé leurs enfants et qui avaient du mal à faire leurs lacets. Et c'est deux aimants avec six trous dans lesquels vous allez insérer vos lacets et vous ne devrez plus jamais faire vos lacets après ça. D'accord, ça tient avec des aimants. Ouais, pourquoi pas. On parlera aussi à Latifa qui a acheté une table basse, mais Annie, elle a très vite constaté un souci. C'est-à-dire que la table basse était haute. Elle était un peu trop haute, non, c'est pas ça, mais enfin, il y avait un petit défaut. Donc elle n'a pas pris la table, donc elle demande le remboursement. Et comme d'hab, elle ne voit rien venir. On parlera d'un magasin de chaussures d'un nouveau type, c'est à Anu, Saskia. Ouais, le magasin de chaussures du futur a en effet ouvert ses portes à Anu avec un concept assez original, je vous en dis pas plus. Ah ouais, mais non, rapidement, c'est quoi? C'est un magasin entièrement robotisé. D'accord. Et puis on n'oublie pas la question du jour qui porte sur la trichothérapie. Calvitie aussi, disait Fernandel dans sa chanson. Oh oui, c'est joli ça, quel poète vous êtes. Oui, donc on vous demande vos trucs et astuces. Non, je suis un poète. Oui, c'est ça, tiens, un poète. Vous avez donc des trucs et astuces pour lutter contre la perte des cheveux? Eh bien, dites-le nous sur la page Facebook. Une pub. On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 30 63, ça coûte 50 centimes. Vous voulez de la bonne musique? Oui. Ça tombe bien. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night. Côté programmation musicale, dans cette dernière heure d'émission, il y aura Daft Punk avec Get Lucky et puis Amir aussi. Si vous passez à table, essayez de ne pas vous en foutre partout. On vous souhaite un excellent appétit. On est ensemble encore pendant 53 minutes, les amis. my love to your new lover. C'était Adèle. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. On va vous parler maintenant d'un concept unique en Europe qui vient d'ouvrir ses portes à Anus. Saskia, c'est quoi ce concept unique en Europe ? Effectivement, nous allons parler de Sublime. C'est le nom de magasin de chaussures du futur qui vient d'ouvrir. Il est en fait entièrement géré par des robots. Mmh. En effet, quand vous rentrez dans le magasin, il n'y a aucune paire de chaussures qui trône devant. Mais il n'y a personne qui te dit bonjour non plus, rien, personne. Si, quand même, si, il y a quelques personnes qui disent bonjour, mais vous devez les commander via un écran tactile. D'accord. Donc, selon des critères comme la couleur, la taille, le style, etc. Et ce sont des robots en sous-sol qui amène les boîtes de chaussures et les place sur un tapis qui vous sera parvenu 3 minutes après votre commande. Ça peut gérer combien de paires de chaussures, ces robots ? Et ben, le projet prévoit la gestion entre 13 000 et 15 000 paires de chaussures, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce concept ? C'est vrai que l'originalité du système repose sur la gestion intelligente du stock. En fait, au sein du magasin, si je commande une paire de chaussures, je n'en aurai pas qu'une seule qui va arriver, mais plusieurs, de marques différentes, mais qui présentent les mêmes caractéristiques. D'accord. C'est un peu ce que faisaient les vendeuses. Elles ne trouvent plus, elles en amènent 2-3 paires qui vont un peu dans le style, quoi. Ouais, mais bon, donc le magasin fait quand même une présélection en fonction de mes critères afin que j'ai un plus large choix, ce qui est quand même assez commercial de la part du directeur. Et c'est assez étonnant, mais il y a encore une vitrine quand même, il n'y a plus rien, et tout se fait sur tablette. Tout informatisé. Je ne sais pas si j'entrerai là-dedans, mais en même temps, si, pour aller voir. Annie, comment vous faites pour choisir vos chaussures, vous ? Petite vitrine quand même. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est de temps en temps, en fonction du modèle, ce n'est pas toujours la même pointure. Voilà, ça voilà. Aussi. Et donc, est-ce que ce robot tient compte de ça ? Apparemment, oui. Mais il y a quand même des gens dans le magasin, il y a des gens pour vous conseiller. Il y a des gens qui conseillent, qui sont juste là à attendre pour dire si c'est joli, si c'est pas joli, pour apporter une belle tasse de café. Donc il y a quand même un peu de conseil. Oui, pour encaisser l'argent aussi. Pour encaisser. Ah, d'accord. Écoutez, ça a c'est nouveau, ça vient de sortir, pourquoi pas. C'est situé pas loin de l'autoroute, je crois. Donc facile d'accès, mais facile pas dans un quartier a priori très. Non, allez faire un tour, dites-nous quoi. Hein. Oui, c'est ça. Si que quelqu'un qui offre le café en disant que c'est joli et qui encaisse, c'est pas ça un conseil quand même. Ça s'appelle Sublime. Oh, mais Annie, voilà. Annie, mais je veux bien aller faire un petit tour. Il faut être à la page, Annie. Est-ce qu'il y a des escarpins le monde dans ce va être, vous avez déjà vu des films. Le monde va être dirigé par les robots. Mais bien sûr. Mais il faut s'y faire. C'est comme ça. Et ça commence maintenant par vos petits pieds. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui. Alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur volkswagen.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Fazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans ? Si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques. Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne. Le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier. Le carreleur est aussi arrivé. Et ben voilà déjà le peintre! Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Pharrell Williams avec Get Lucky. Si vous étiez avec nous hier, vous savez que Joachim a un problème sur son toit. On rappelle rapidement. Oui, problème de démoussage et de mise en peinture du toit. Il y avait un souci, enfin bref, la peinture qui pèle ou qui s'écaille, ou la mousse qui revient. Il avait demandé à l'entrepreneur de revenir. Donc voilà, le planning était chargé, mais hier, il nous a annoncé. On a débloqué la situation. Voilà, l'entreprise a dit qu'elle venait aujourd'hui. Est-ce qu'on a Joachim en ligne? On essaye de joindre Joachim pour voir si l'entreprise, effectivement, a tenu parole, a tenu ses engagements et est disponible. Est-ce que Joachim est avec nous? Joachim, bonjour. Joachim est avec nous. Oui, je vous écoute. Alors, est-ce que l'entrepreneur a tenu ses engagements hier? Tout à fait. Ah. Aujourd'hui, il est arrivé aujourd'hui à 10h30 et ils sont sur le toit là pour le moment. Cool, ils font quoi? Ben, ils remettent du biocide d'un côté où c'était la mousse avait repoussé et ils remettent de la peinture derrière sur la toiture arrière. Donc, ben voilà. Tout est pour le meilleur du monde. Ben voilà. Ils ont tenu parole. C'est une affaire qui roule. Fait, oui. Et vous n'oubliez pas la petite jatte de café, hein? Oui. Ah, ils ont déjà eu un verre de coca, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Eh bien, écoutez, on est ravis que ce dossier. Ah ben voilà, ce soit un dossier clôturé, qui s'arrange. Comme qui ça, bien. Un dossier qui s'arrange. Merci, Joachim. Oui. Bonjour aux ouvriers sur le toit et bon après-midi à vous. Oui, vous aussi, merci. Encore merci beaucoup. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. On passe à autre chose. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui m'énerve particulièrement quand, quand je mets mes chaussures, ce sont les lacets qui se défont. C'est embêtant. C'est embêtant. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir Esteban qui a testé pour nous des lacets révolutionnaires. C'est quoi ces lacets? Oui, tout à fait, c'est des lacets magnétiques. Mais avant de vous en parler, je vais vous faire une petite confidence. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir les chaussures autolassantes de Marty McFly. Dans Retour vers le futur 2, évidemment, tout le monde en a rêvé. Il met ses chaussures et clac, ça se met à sa taille et ça se lasse tout seul. Malheureusement, c'est jamais arrivé. Ah, mais c'est en passe, hein. Les prototypes sont en cours. Oui, et ils vont sortir cette année, effectivement. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est des lacets magnétiques. Et les inventeurs, en fait, ils ont eu l'idée, ils s'appellent Ryan et Valérie Rins, en observant leurs enfants qui, en fait, avaient du mal à faire le lacet, qui perdaient beaucoup de temps à retirer leurs chaussures. Ouais. Du coup, l'idée des lacets magnétiques est venue. Ils ont lancé un crowdfunding en 2012 et créé leur société Zubits qui cartonne avec ces lacets magnétiques. Mais ça fonctionne comment? Alors c'est très très simple. C'est simplement deux aimants perforés par six trous dans lesquels vous allez insérer votre lacet en fait pour chaque chaussure. Et puis donc la chaussure, une fois qu'elle est installée, le lacet magnétique, vous ne devez plus jamais refaire vos lacets et retirer votre chaussure assez facilement. Et quoi, vous avez essayé? J'ai effectivement essayé. Bon, l'installation au départ, bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut un petit peu chercher. Par la suite, c'est vrai que c'est très très pratique pour une activité sportive. Si vous devez courir, si vous devez sauter. Voilà, ça c'est un... Et puis effectivement, pour les personnes handicapées, éventuellement, ou pour les enfants, ça peut vraiment être très facile. Mais c'est à ces personnes-là que ça s'adresse, aux enfants, aux personnes qui ont plus de difficultés? Ça s'adresse à tous, hommes et femmes, enfants dès l'âge de 5 ans. Il faut savoir qu'il y a trois types de lacets magnétiques. Et pour savoir quel type vous correspond le mieux, la marque va vous poser quatre questions lors de votre achat. Tout d'abord, quel est votre poids? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos lacets? Est-ce que vous allez courir? Vous allez faire du shopping? Vous allez faire du sport? Ou bien vous allez simplement marcher? Est-ce que vous serrez vos lacets de manière très forte, moyenne ou pas du tout? Ouais. Et quel est le poids de votre chaussure? C'est aussi important. Et quand vous avez répondu à ces quatre questions, le lacet qui vous correspond vous sera affiché à l'écran. Et ça coûte combien? Ça coûte 17,91 €. C'est effectivement pour la paire de lacets, c'est un certain prix. Et ça, c'est pour une... Évidemment, la paire, vous pouvez la mettre sur tous les types de chaussures que vous voulez. Mais le petit bémol, ce que je trouvais, c'est qu'à la fin de l'installation, si vous voulez pas avoir des petits fils, des lacets qui traînent, vous devez les couper. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez plus utiliser vos chaussures sans le Zubits avec ce type. Mais en même temps, c'est marrant parce que le lacet, on en parlait aux antennes, ça fait aussi partie de l'apprentissage pour les enfants, hein, la motricité. Ouais. Et compagnie, ouais. Donc c'est un peu... Oui, parce que si apprendre à faire ses lacets, c'est apprendre aussi à faire des nœuds, et des nœuds, on en a toujours besoin. Tout à fait. Bon, oui, voilà. Mais après, c'est vrai que ça s'adresse aussi à d'autres personnes. Hein. Ouais, j'imagine les personnes plus âgées qui ont des problèmes aux articulations, ça peut quand même être d'un grand secours. Mais moi, je ne trouve pas ça très joli. Bon. Parce qu'après, on voit le mécanisme. Oui. Au niveau esthétique, c'est encore discret. En fait, moi qui l'ai testé, je trouvais que c'était pas non plus trop flash. On verra ça à la télé ce soir de toute manière à partir de 18h30. Mais c'est étonnant parce qu'en lacet, ça reste en lacet. Il y a encore des innovations autour du lacet. Oui, il y en a pas mal. Il y a même un salon qui leur est consacré chaque année à Paris. Le salon du lacet. Ce n'est pas une blague. Le salon du lacet, et là il y a toutes les marques qui viennent justement montrer leurs innovations en matière de lacet. Et c'est entre autres là qu'on a découvert que Adidas avait sorti une toute nouvelle paire de crampons sans lacet qui était inspirée d'un chausson de danseuse étoile. Bien sûr, mais pourquoi pas? Donc il y a de l'innovation autour du lacet. Voilà quelque chose qui m'étonne. Les lacets aimantés, comment ils s'appellent déjà? Zubits. C'est à voir ce soir à la télé à partir de 18h30. Thank you. simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origami. Le bras tendu pareil, cassé tout nez, pieds et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait. La poésie française signée Christine and the Queens. Le titre, c'est Christine. Petit détour par la rédaction pour les titres de l'info, c'est dans deux minutes. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be. Avec Cap 48 et Vivre ici. Conditions de lancement exceptionnelles pour les nouvelles Suzuki Baleno et Suzuki S-Cross chez Dewey Car Center. 250 euros de remise supplémentaire sur toute la gamme pendant les Attraction Days, les 9, 10 et 11 septembre. Dewey Car Center à Meize et à Vilvoorde, votre concessionnaire Suzuki du nord de Bruxelles. Dewey Car Center. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Il est midi 30. Les titres du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On va parler foot à 13h avec le limogeage de Yannick Ferreira. C'était attendu, hein, les résultats du Standard n'étaient pas satisfaisants depuis la reprise. C'est Aleksandar Djankovic qui le remplace. Le coach de Malines rejoint Sclessin. Ça n'a pas étonné grand monde dans le monde du foot belge. Le monde du foot qui est braqué surtout aujourd'hui sur Chypre. C'est le début de la campagne qualificative pour le Mondial 2018. Ça commence aujourd'hui, donc on croise les doigts pour que les Diables soit un peu plus performant que lors du match amical contre l'Espagne et on attend bien sûr Roberto Martinez au tournant. Le reste de l'actu, c'est l'absence des patrons de Caterpillar à la Chambre aujourd'hui. Ça, c'est les représentants syndicaux convoqués en commission se sont eux bien présentés. Les patrons qui viennent d'annoncer la fermeture de l'entreprise ont fait faux bond. Ils invoquent la procédure Renault pour décliner l'invitation. Eh bien, les chefs de groupe des partis politiques n'ont pas eu de mots assez forts pour dénoncer cette attitude. Le Le MR Denis Ducarme évoque un dédain du Parlement, même son cloche au PS, au CDH, au PTB. L'absence des patrons de Caterpillar, c'est du mépris pour Éric Massin au PS, de la lâcheté pour Jean-Marc Nollet, écolo. Raoul Hédebeau demande que le Parlement exige leur présence. Enfin, pour Catherine Fonco, CDH, la direction américaine fait très peu de cas des travailleurs. De son côté, à Namur, Paul Magnette, le président du gouvernement wallon, s'est montré formel. Il trouvera, dit-il, une solution pour récupérer le site de l'usine par voie d'expropriation ou par toute autre voie. La région reprendra le contrôle des lieux. Nous l'entendrons dans le journal de 13h. Et puis, à 13h, on sera aussi sur les routes. On a des statistiques sur la sécurité routière. Et on accompagnera des petits policiers, des enfants qui ont revêtu l'uniforme ce matin et qui ont dressé des PV aux parents pas toujours en ordre avec la législation en matière de route. Voilà, tout ça à 13h. À tout à l'heure, 13h Manu. On n'est pas des pigeons. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la Amir représentait l'Eurovision, la France, à l'Eurovision dernier. Il n'a pas gagné l'Eurovision, mais je crois qu'il a gagné son été sur ce coup. Oh oui. Il n'est pas allé là-bas pour rien. J'ai cherché, c'était le titre. Pas acheter un canapé, mais on va acheter le truc qui va avec la petite table basse. Latifa, bonjour. Bonjour. Le 14 juillet dernier, vous achetez une table basse chez... C'est quoi le nom du magasin ? Jalan Jeti. C'est où ça ? C'est à Waterloo, chaussée de Waterloo. Vous deviez emporter tout ça une semaine plus tard, mais vous avez constaté un défaut. Vous n'avez pas pris la table. Le magasin Exactement. Vous a promis un remboursement et vous ne voyez toujours rien venir. C'était quoi ce défaut Exactement. D'abord ? En fait, sur le plateau, on avait l'impression qu'il y avait un morceau de plateau qui avait cassé, qu'il l'avait remplacé par un autre bout de bois et qu'ils avaient poncé avec la sorte de pâte à bois pour faire en sorte que ça soit plus harmonieux. Mmh. Mais ça se voyait vraiment fort. D'accord. Mais vous, il était déjà payé à ce moment-là, cette table basse. Exactement. Oui, j'étais obligée de payer le moment où j'ai acheté la chaise. Ils ont accepté sans problème de rembourser à l'époque ou pas ? Au début, le jour où j'ai été donc, pour récupérer mon article, ce n'était pas la dame qui m'avait vendu la table, c'était une dame un peu plus âgée. Donc elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas prendre la décision, que je devais rappeler la dame qui m'avait vendu la table. Quand je l'ai rappelée une semaine plus tard parce qu'elle était en vacances, elle m'a dit qu'elle devait en parler à son supérieur encore une fois. Donc j'ai attendu, j'ai bien dû rappeler au moins 4-5 fois, ça a dû prendre au moins 15 jours avant qu'ils me disent que le propriétaire du magasin était d'accord pour me rembourser. Mmh. Et ce jour, j'ai reçu aucun remboursement. D'accord. Annie s'est un petit peu penchée sur la table, ou en tout cas sur le dossier. Sur la table basse, hein, 216 euros qui étaient payés avec un crédit. Mais l'imbago, résultat, que la table basse, voilà. Voilà, on a bien compris. Gros défaut, petit défaut, peu importe. Mais en fait, marchandise qui peut être... N'est pas conforme. Qui n'est pas conforme, voilà. Et qui est donc sous garantie. Et donc, on peut, évidemment, dont on n'est pas obligé de prendre livraison. Alors, j'ai vérifié auprès de la Banque Carrefour des entreprises, et ça, c'est très facile, vous allez sur le site du SPF Économie pour obtenir des précisions et des informations sur les données officielles de la société. Bah, c'est une situation normale, comme on dit, j'ai ça sous les yeux. Ça s'appelle, la société s'appelle Java Import. C'est actif, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mm-hmm. Bah, voilà. Alors, j'ai envoyé un mail. Alors, j'ai envoyé un mail via une adresse mail qu'on peut trouver sur le site, mais en même temps, il y a un formulaire de contact sur le site. Donc, j'ai D'accord. doublé mon appel. J'ai toujours pas de réponse. Je viens d'aller vérifier. Pas de réponse. Bonne nouvelle, je suis pas sûre. Mais enfin, pas de réponse. Mais vous dites ici que vous avez été plusieurs fois au magasin. Latifa, les contacts, c'était uniquement oraux ou bien vous avez quand même une trace écrite du remboursement, de la promesse de remboursement ? En fait, j'ai été au magasin que le jour où j'ai acheté l'article et la fois où j'ai été pour le retirer. Ensuite, ça a été que des contacts téléphoniques avec la dame qui était en magasin. Puis par la suite, ben, apparemment, ils ont fermé pour faire des travaux. Donc comme ils ont une page Facebook pour leur magasin, j'ai pris contact avec eux via donc, Messenger, donc Facebook. Et là, eux, le propriétaire du magasin m'a assuré en fait qu'il me ferait donc le versement la semaine dernière. Donc ça, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit. Oui. D'accord. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Sauvegardez bien cet écrit. Hein. Conversation. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, on va essayer de donner un petit coup de fil au magasin. Hein. Appelons le magasin en espérant qu'à 1h20, ce soit encore que soit ouvert. Oui. Direction le magasin Jalan Jeti à Waterloo. À Waterloo. Deuxième sonnerie. Troisième sonnerie. Bien, on compte bien. Attention, quatrième, tu crois ? Oui, quatrième sonnerie. Après, c'est quoi déjà ? J'ai oublié. Zut, cinq. Sept. Bon. Ah. Mince, zut. Généralement, dans un magasin, comme ça, si on ne décroche pas après... Oui, pourtant, c'est ouvert. Hein. Ils sont peut-être au fond du magasin. C'est possible. Allez, on laisse encore deux sonneries. Mais bon. Oui. Ça sonne dans le vide, comme on dit. Ça sonne dans le... Ah, ben voilà. Ce n'est pas autorisé. Carrément. Ah bon. Carrément. Bon, voilà. Nous, on n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. Et un petit peu. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ben, écoutez, on espère qu'ils vont quand même répondre à nos contacts écrits, le mail et le formulaire de contact sur le site. Cela dit, Latifa, tout n'est pas perdu. Vous avez payé avec une carte de crédit, hein, on l'a dit au début. Et en fait, le fait d'avoir utilisé votre carte de crédit, quelque part, ça vous protège. Parce que vous devez savoir que le consommateur a la possibilité de contester une transaction qui n'est pas frauduleuse, mais qu'il a donc lui-même effectuée. En cas de problème, donc vous êtes dans ce cas-là, c'est très précis, vous avez un souci avec une marchandise que vous avez payée, la livraison pose problème, vous disposez de preuves, notamment d'écrits, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous avez un écrit ? Et donc vous devez d'abord essayer de trouver une solution avec le commerçant, et vous devez alors vous retourner sur le site www.macarte.be et vous devrez prouver les démarches que vous avez déjà effectuées. Dans certains cas, on vous demande quand même un dépôt de plainte à la police, mais essayez déjà avec les démarches que vous avez déjà entreprises, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a un problème. Et vous ne devez pas traîner parce que vous devez effectuer les démarches dans les 3 mois qui suivent la date de facturation de votre transaction. Or, tout le monde sait que la transaction, elle apparaît un mois après avoir effectué le paiement. Donc, en gros, vous avez 4 mois. Pour contacter le site macarte.be. Vous êtes encore dans les temps. Voilà, vous êtes dans les délais. Donc, n'hésitez pas à le faire et retournez peut-être au magasin, voir si ce magasin est ouvert ou pas, parce que c'est un peu bizarre que ça sonne comme ça, l'appel n'est pas autorisé. Donc, première chose à vous conseiller, vous allez au magasin. Oui, vous retournez. Vous imprimez déjà, vous imprimez la conversation que vous avez eue avec le responsable du magasin. Vous allez au magasin. Vous demandez le remboursement le plus rapidement possible, et puis sinon, macarte.be peut... Voilà, et j'ai le formulaire de contestation. Hein. Par exemple, je conteste la transaction susmentionnée parce que, exemple, j'ai fait une transaction chez ce commerçant, mais je n'ai pas reçu la marchandise, ou bien j'ai bien reçu la marchandise, mais je l'ai renvoyée. Donc, c'est assez clair, et on vous demande quelques détails, mais notamment la preuve que vous avez quand même essayé de trouver une solution. Voilà pour les conseils. D'accord. Bonjour Latifa, on fait comme ça? Okay. Je vous remercie beaucoup. Vous nous tenez au courant, évidemment. De Verve en 1997, c'est juste après la pause. Et puis après, on parle des cheveux. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Avec Bittersweet Symphony, c'était en 1997. Sur la page Facebook, on vous avait posé une question. Avez-vous des trucs et astuces pour éviter la calvitie? Parce qu'on parle d'une nouvelle technique aujourd'hui qui s'appelle la... J'ai déjà oublié. Tricopigmentation. Voilà. Qui permet de, on va dire, de camoufler un peu ou de faire illusion avec un tatouage. Avez-vous des trucs et astuces pour éviter la perte des cheveux? Alors, il y a un nom de médicament qui revient assez souvent. Par exemple, Hilde nous en parle pour la perte des cheveux due à un déséquilibre hormonal. Trop d'hormones mâles. Le Neoxidil fonctionne très bien. D'accord. C'est en pharmacie, elle donne toutes les précautions en disant attention, il faut faire appel à un dermatologue avant de suivre le traitement parce que ce sont des vrais médicaments. Ouais. Mais elle n'est pas la seule à dire que ça fonctionne relativement bien. Il faut passer par une prise de sang pour vérifier qu'il s'agit bien d'une alopécie androgène. Ah oui, carrément. Ça c'est... Le produit ne fonctionne que dans ce cas-là. Pour moi qui suis une femme, ça marche depuis 1995. J'ai arrêté le traitement quelques fois et à chaque fois j'ai vu qu'il y avait un souci de perte de cheveux. D'accord. À ce moment-là. Donc, autre truc ? Alors, d'autres trucs, eh bien, il y a Lucien qui nous dit la compote de pommes, ça marche toujours. D'accord, après quoi, trois jours sur les cheveux ? Ah bah, après trois jours sur la tête, il pousse des poils. Bien. Voilà. Alors, Orégis nous dit que l'urine de yak fonctionne aussi. Oh, mais oui, le yak. Mais oui. Alors Denis nous propose le je m'en foutisme. C'est très utile en situation sociale. Les chauves n'ont rien à envier aux chevelus. Ouais. Ah, c'est vrai, il y a des beaux chauves. Hein. Mais il y en a plus. Et alors, éviter les mecs qui ont des problèmes, éviter la mèche qui plus longue qu'on rabat sur le crâne. Qui part d'un côté, qui va de l'autre côté, et en cas de vent, t'as l'impression d'avoir une crête comme petit œuf là, tu vois. Mais rasez-vous complètement parce que. Assumer la mode. Les femmes aiment ça. On reparle de ça évidemment ce soir à la télé. Il y a encore un truc sur Facebook, c'est le coup de gueule, mais c'est pas tout de suite. On n'est pas des pigeons. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. Trois jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval, votre shopping au fil de la LAN. bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un... Oui, un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet, là, pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors, gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo. Et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une TV LED Full HD Samsung pour 499 euros seulement. Soit 150 euros de moins. Dès demain, dans tous nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zehetmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Info ticket 04 224 x 0 ou opRL.be avec Vivacité. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230 euros sur l'avenir.net/rentrée. On s'était mis d'accord. Fait pour ça, toutes ces histoires de love, très peu pour toi. T'as des plans à côté, t'as le choix en effet. Fais pas genre, je t'ai grillé, j'suis plus que ça. Faut pas que tu mélanges tout, y'a elle et puis y'a nous. Faut pas que tu mélanges tout, j'vois pas ce que tu comprends pas. Faut pas que tu mélanges tout, y'a elle et puis. Te montrer tout ce que les autres n'ont pas. Oh, juste une fois. Number One, c'était Fanny Negesha sur Vivacité. On a vu des photos. Ah, elle est jolie. Ah, elle est pas mal. Elle est mieux en photo qu'en disque. Oh, oh hey, ça va. Elle a de belles formes. Ouais, c'est ça. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson. Ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. On n'est pas des pigeons. Il y a Laurie qui n'est pas contente. Laurie n'est pas contente, elle râle et elle nous l'a fait savoir. Oui, je m'appelle Laurie, nous dit-elle. Jusque-là, la chanteuse ? Ça va. Non, c'est pas la même. Elle a 24 ans. Depuis un peu plus d'un an, je fais 5 km à pied pour aller travailler. Ah, pas mal ! Oui. Alors attention, je passe par le centre de Tournai et puis par le centre de La Louvière. Ça fait plus que 5 km. Oui, bah, on se dit qu'il y a sans doute un trajet non, en train. Il y a un train au milieu, oui. Bref, jusque-là, rien qui ne vous intéresse. C'est vrai. Sauf que ça fait plus d'un an que je rage. Toutes les semaines, c'est la même chose. Je vois des sacs PMC par dizaines, voire centaines. Et je peux compter avec les doigts d'une main les bouteilles, canettes et autres écrasées. Ah bon? Ben oui, donc elle râle en disant que... Attendez, parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Voilà. Je suis curieuse de comparer un sac PMC avec des bouteilles, canettes, etc. non écrasées, et puis un sac avec le tout bien écrasé. Je parie qu'en écrasant tous nos déchets PMC, nous pourrions économiser des sacs plastiques et donc respecter un peu plus les... Ça me paraît logique quand t'as une bouteille ou une canette, tu l'écrases. Enfin, ça paraît pas logique pour tout le monde, parce que je me suis fait la même réflexion en voyant les sacs poubelles de mes voisins, mais je ne veux dénoncer personne. On n'écrase pas les canettes. Bon, et ben écoutez, écrasez vos canettes et dites-nous ce que vous pensez sur la page Facebook ou via le mail par exemple. Hein. Vous avez quelques heures pour faire ça aussi. Oui, le mail c'est pigeon@rtbf.be, le répondeur 070 222 660. On va aller se préparer pour la télé, ce sera ce soir à 18h30 sur la Une. Et c'est La Vie du Bon Côté qui prend le relais sur Viva Sylvie Honoré. On parle de séduction. À combien estimez-vous votre capital séduction? Ah bon, c'est pas à moi à le dire. Ouais, mais, à combien non, attendez, estimez-vous attendez. Mon capital séduction? Capital séduction, c'est pas que les femmes, hein, on est bien d'accord. Ouais. C'est... Vous faites peur, là. La séduction en général, votre capital séduction. Je sais pas, sur une échelle de quoi? Sur 10? De Richter. Oui. Est-ce que ça oui, explose? Est-ce que ça, oui. 4. Il est modeste? 4? Qu'est-ce que vous dites, les filles? Oh non, et plus. Non, il n'est pas modeste du tout, il va être 9. 4,5. Bah oui, imagine qu'il est le meilleur. Qui c'est qu'à 19? Annie? Bon, Sylvie, je vous laisse, j'ai un truc à faire avec Annie. C'est ça. J'allais dire, allez hop à la casserole, Annie. Non, je plaisante. Non, c'est parce qu'il est l'heure de manger. Il est l'heure de manger, d'accord? Bon, allez, on va être un peu sérieux. Merci en tout cas, les pigeons. Revenez-nous demain en grande forme et ce soir en télé. Croire en son capital séduction en prenant conscience de ses richesses. Bonjour, Julie Arcoulin. Bonjour, Sylvie. Bon, on l'analyse un peu léger là, mais il y aura beaucoup de profondeur dans le sujet. Ah, tout à fait, c'est pas un sujet pour rire. Non, ça c'est sûr. C'est important de parler de capital séduction. Et surtout des croyances qu'on a et qui font qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et le capital séduction, effectivement, c'est pas que pour la drague. Non, mais voilà, on est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai bien mis les choses. C'est dans capital leur contexte. Séduction, sympathie, tout ça en même c'est temps. C'est capital rayonnement un peu. Exactement. C'est capital charisme. Eh ben, c'est exactement ça. Hein, c'est ouais, ça, c'est capital vrai. Rayonnement. Oui. Eh ben, j'adhère. C'est loin d'ici. Je prends ma valise et j'arrive. Bon, soit. On en parlera de tout ça dans quelques instants, juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis. Que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous. Ce midi, la Belgique est coupée en deux dans le sens est-ouest. Sur l'ouest et le centre, on a encore des nuages qui sont majoritaires, qui vont finir par laisser filtrer des éclaircies. Mais par contre, sur la Campine, la province de Liège, la province de Luxembourg, c'est plein soleil. Et là, on va garder un temps ensoleillé toute la journée. On ira jusqu'à 26 degrés en Campine, 23, 24 sur les hauteurs de la province de Luxembourg, 25 sur l'ASB et 24 sur l'ouest du pays où finalement les éclaircies vont finir par se développer également. Demain, plein soleil cette fois pour tout le monde et maxima de 23 à 27 degrés. 21 à 25 pour vendredi, même valeur pour samedi avec un léger risque orageux sur l'ouest. Et puis dimanche, légère baisse des températures comprise entre 18 et 23 degrés. Merci d'écouter Vivacité, les 13h. Les titres du 13h. Ferreira quitte le Standard, il est remplacé par Alexander Jankovic. La décision ne surprend pas grand monde à Sclessin. Les résultats des Rouges n'étaient pas à la hauteur depuis le début de la saison. Analyse aussi des enjeux du match contre Chypre ce soir pour les Diables Rouges. Il n'est pas crucial pour la qualification, mais c'est un rendez-vous que nos joueurs ne peuvent pas rater. On reviendra aussi sur